Chapitre 13. Monsieur Dill. Ce qu'éprouvait Carlyle à son retour à West Lynne ressemblait fort à ce qu'éprouve un collégien qui, sachant qu'il a mal fait, a grand peur d'être découvert. Toujours franc et ouvert dans ses propres affaires, car il n'avait rien à cacher, il lui sembla qu'il devait dissimuler à cette heure. Il pressentait toute l'amertume de sa sœur à la perspective de son mariage. C'est ce que son instinct lui avait enseigné depuis longtemps. Il se disait que de toutes les femmes, Lady Isabelle paraîtrait à sa sœur la moins acceptable, car Mademoiselle Cornélie regardait à l'utile et n'avait ni sympathie ni admiration pour l'agréable. Il n'était pas sûr qu'il ne chercherait pas à entraver le mariage, si la nouvelle lui en venait aux oreilles, car son indomptable volonté lui avait fait faire des choses plus étranges encore. Aussi ne blâmera-t-on pas Carlyle de ce qu'il crut devoir observer une entière discrétion à l'endroit de ses projets futurs. Une famille du nom de Carew avait été sur le point de prendre East Lynne pour 3 ans, la maison étant meublée. Sur quelques arrangements secondaires, cette famille était en désaccord avec Carlyle, mais celui-ci inclinait à céder. Durant son absence à Castle Marling, ses difficultés avaient disparu. On avait consenti à toutes les conditions stipulées, et les nouveaux locataires devaient prendre possession d'East Lynne le plus tôt possible. Mademoiselle Carlyle était enchantée. Mais la première lettre qu'écrivit Carlyle fut à l'adresse des Carew, et pour les remercier, il n'en souffla pas moins à sa sœur. Un soir, 3 semaines après la visite de l'avoué à Castle Marling, Barbara Hare vint rendre visite à Mademoiselle Carlyle et trouva le frère et la sœur sur le point de prendre le thé beaucoup plus tôt que d'habitude. Barbara s'assit à la table tout en protestant qu'elle n'allait pas rester, car sa mère attendait son retour. Mademoiselle Carlyle l'interrompit en disant à son frère qu'elle allait dans un moment empaqueter ses effets. « Non, non, » s'écria-t-il avec une sorte de précipitation craintive, « je ferai cela moi-même, merci. Pierre, vous pouvez apporter dans ma chambre le porte-manteau, le grand. »« Comment le grand ?» répéta Mademoiselle Cornélie, qui aimait à faire de l'opposition. « Mais vous n'y songez pas, on pourrait y renfermer la maison. Vous n'avez pas besoin, je pense, de traîner après vous un pareil colis. » « J'ai des papiers et plusieurs choses à emporter, outre mes vêtements. »« Je me charge de vous emballer tout cela dans la petite malle, » continua la sœur. « J'essaierai, du moins. Vous n'avez qu'à me dire ce que vous voulez y mettre. Pierre, montez la petite malle dans la chambre de votre maître. » Carlyle lança un coup d'œil à Pierre, et Pierre répondit à son regard par un signe imperceptible. « Je préfère arranger moi-même mes affaires, Cornélie. » « Eh bien, que vous est-il donc arrivé ?» « C'est ma faute, » répondit-elle, car dans son impatience, en jouant avec un couteau, Cornélie s'était coupé le doigt. « Avez-vous un peu de taffetas d'Angleterre, Archibald ?» Il ouvrit son portefeuille et le plaça sur la table pour y prendre le taffetas demandé. Le regard inquisitif de Mademoiselle Carlyle se fixa aussitôt sur une lettre qui s'y trouvait. Elle avança la main, s'en empara sans façon et l'ouvrit. « De qui cela vient-il ? C'est l'écriture d'une femme. » Carlyle étendit subitement sa main sur la lettre, comme s'il voulait la dérober à la vue de sa sœur. « Pardonnez-moi, Cornélie, mais c'est une lettre personnelle. Allons donc, auriez-vous des secrets pour moi ? Elle porte le timbre de la poste d'hier. Veuillez me restituer cette lettre, » continua Carlyle. Stupéfait de son ton de calme autorité, elle la lui rendit immédiatement. « Vous n'êtes plus le même, Archibald, qu'avez-vous donc ? Moi, je n'ai rien, » répondit-il, et il replaça la lettre et le portefeuille dans l'une de ses poches. « Ce n'est pas beau de vouloir lire ainsi les lettres privées, n'est-il pas vrai, Barbara » ajouta-t-il en s'efforçant de rire d'un air de bonne humeur. Mais Barbara avait vu, non sans surprise, que la rougeur d'une vive émotion avait coloré son visage à lui, un homme si calme, si maître de lui-même. Cornélie n'était pas femme non plus à se laisser battre si facilement. Elle revint à la charge. « Archibald, ne cherchez pas à me tromper. J'ai reconnu sur le cachet de cette lettre les armes des Vane. » C'est possible, mais le contenu n'en a pas moins été écrit pour mes yeux seuls. » En prononçant ces mots, l'avoué avait imprimé à sa voix un certain accent de fermeté qui déplut à Cornélie. Barbara rompit le silence. « Allez-vous encore chez les Mountsavern ? » demanda-t-elle. « C'est probable, » répliqua-t-il. « Parle-t-on toujours du mariage de Lady Isabelle ? » poursuivit Barbara. « Votre thé n'est pas assez sucré, peut-être ? » fit Carlyle, voulant éluder une réponse. « Non, pas tout à fait. » fit la jeune fille. Carlyle avança le sucrier près de la tasse et il en sacra 4 ou 5 gros morceaux de sucre. « Que faites-vous là ? » s'écria la sœur. L'avoué éclata de rire. Ma foi, je me suis oublié. En vérité, Barbara, je prie votre thé de m'excuser. Cornélie, donnez une autre tasse. Mais c'est du thé de perdu et du bon sucre de gâché, grommela Cornélie avec aigreur. Barbara se leva subitement. Je ne sais ce que doit penser ma mère. Il commence à faire sombre. Elle va croire qu'il m'est arrivé malheur. Archibald vous reconduira, fit Mademoiselle Carlyle. Je n'ai pas dit cela, s'écria-t-il avec sa franchise habituelle. Dill m'attend à l'étude et j'ai encore devant moi un travail de plusieurs heures. Cependant, je suppose que vous ne vous souciez que médiocrement d'être accompagné par Pierre. Dépêchez-vous de mettre votre chapeau, Barbara. Tous deux partirent sans perdre un instant, lui marchant à ses côtés et tenant la main l'ombrelle de la jeune fille. C'était une nuit calme et belle, très claire encore, et ils prirent par les champs. Barbara ne pouvait oublier Isabelle Vane. Les constantes visites de l'avoué, alors qu'elle habitait encore East Lyne, avaient excité en son cœur une ardente jalousie. Elle prit différents biais pour le faire parler. « Je vous ai demandé si vous aviez entendu dire que Lady Isabelle fût sur le point de se marier. Ma mémoire, Barbara, ne peut retenir tout ce que j'ai entendu dire. Mais en avez-vous entendu parler ?» persista Barbara. « Vous y mettez de la persévérance, » répondit-il en souriant. « Eh bien, soyez donc satisfaite. Je crois en effet qu'elle est sur le point de se marier. » Barbara semblait respirer plus à l'aise. « Avec qui ?» Le même sourire se joua sur les lèvres de Carlyle. « Supposez-vous que je puisse répondre par anticipation à vos questions ? Je pourrais probablement vous en apprendre plus long sur ce point à mon prochain retour de Castle Marling. Je suis curieuse de savoir. Peut-être est-ce avec Lord Vane ? Vous êtes habile à deviner, continua Carlyle en riant. Lord Vane est une jeune barbe de 5 à 6 ans. Oh ! S'écria Barbara, singulièrement déconfite. Et le plus charmant bambin que l'on puisse trouver, continua-t-il en s'animant par degrés. L'air ouvert, le cœur généreux, l'esprit vif et alerte. Si j'ai jamais des enfants à moi, ajouta-t-il en frappant la haie de l'ombrelle et se parlant lui-même, comme oublieux de sa compagne, je désirais qu'il ressemblât à William Vane. Voilà une confession de la dernière importance, riposta gaiement Barbara. Pour vous qui êtes parvenu à faire croire à tout le monde que vous deviez rester vieux garçon. J'ignore si j'ai jamais rien dit de la sorte, continua Carlyle. Je suppose que les habitants de West Lyne jugent d'après les apparences, fit-elle en riant et d'un petit air moqueur. Quand un homme court sur ses 30 ans, je n'en suis pas là encore, interrompit Carlyle, endommageant notablement la haie et l'ombrelle. Je puis être un vieux mari avant d'avoir 30 ans. Les chances sont même pour qu'il en soit ainsi. Vous avez donc fait choix d'une femme ? Je ne dis pas non, Barbara. La jeune fille retira son bras de celui de l'avoué, sous prétexte de rattacher son châle. Son cœur battait à tout rompre, un doux frémissement parcourait tout son corps, et elle craignait qu'il ne s'aperçût de son émotion. Elle ne pouvait croire qu'il faisait allusion à une autre qu'à elle-même. Pauvre Barbara. Vous semblez oppressée, Barbara. Aurais-je marché trop vite ? Elle ne paraissait pas entendre, et continua à tourmenter son châle. Elle reprit le bras qu'il lui offrait, et tous deux se remirent en route. Carlyle frappant plus activement que jamais les buissons et la terre. Une minute encore et le manche de l'ombrelle était en 2 morceaux. « Je m'y attendais, et cela devait arriver, » fit Barbara, tandis que lui, il contemplait le parasol avec un comique embarras. « N'y faites pas attention, » ajouta-t-elle, « cela n'en vaut pas la peine. Je vous en donnerai un autre pour remplacer celui-ci. » Se disant, il prit un mémento et y traça une note au crayon. « Que faites-vous » demanda-t-elle. Il lui plaça le mémento sous les yeux de façon qu'elle put voir qu'il avait écrit « Ombrelle brune ». BH. C'est pour me rafraîchir la mémoire, Barbara, en cas que je l'oublie. L'œil de Barbara découvrit un autre item ou deux déjà inscrits sur le portefeuille. Piano, vaisselle. J'ai l'habitude de prendre en note ainsi des objets que je dois acheter à Londres, autrement je n'y penserai point. À Londres, dites-vous ? J'ai cru que vous alliez à Castle Marling. Sa langue avait été trop vite, mais Carlyle se rattrapa bientôt. J'aurais probablement allé à Londres aussi bien qu'à Castle Marling. Comme la lune est brillante quand elle se lève ainsi, Barbara. Si brillante qu'elle me permette de lire au fond de votre pensée. Qu'avez-vous besoin d'un piano, de vaisselle ? C'est pour East Lyne, répliqua-t-il tranquillement. Oh, pour les Carew ! Et l'intérêt que portait Barbara aux items s'évanouit sur le champ. Ils arrivèrent ainsi à la route et près de la pelouse qui s'étendait devant la maison du juge. Carlyle poussa la grille et la tint ouverte pour laisser entrer la jeune fille. « Venez dire bonsoir à ma mère, » fit-elle. « Je n'ai vraiment pas le temps ce soir. Au lieu de ma visite, veuillez me rappeler à son bon souvenir. » Il ferma la grille de nouveau, mais Barbara se pencha en avant, ne voulant pas le laisser partir. « Serez-vous absent une semaine ? C'est probable. Tenez, prenez les débris de votre ombrelle, Barbara. J'allais emporter tout cela avec moi. Je peux bien vous en acheter une neuve sans vous priver de la vieille. » « Il y a longtemps que je désire vous demander quelque chose, Archibald, » continua-t-elle d'une voix émue et agitée, en même temps qu'elle jetait sur le sentier, devant les arbres à épais feuillages, les morceaux de l'ombrelle. « Me promettez-vous de ne pas me regarder comme une folle ? De quoi s'agit-il ? Quand vous m'avez donné la chaîne en or et le médaillon, il y a un an, vous rappelez-vous ? Oui, eh bien, j'ai mis un peu des cheveux de Richard, de ceux d'Anna et de ceux de ma mère, une petite mèche de chacun. Mais il y a place encore, comme vous voyez. » Et parlant ainsi, elle lui tendit le médaillon, car elle le portait toujours au cou, suspendu à la chaîne. « Je ne vois pas bien à la lumière de la lune, Barbara. Mais s'il y a encore de la place, qu'y faire ? J'aime à penser que j'ai un souvenir de mes meilleurs amis ou de ceux qui me sont chers. Je voudrais, comme c'est vous qui m'avez donné le médaillon, joindre aux autres une mèche de vos cheveux. »« Une mèche de mes cheveux ? » s'écria Carlyle, aussi surpris que si on lui avait demandé sa tête. « En quoi cela pourrait-il servir à vous ou au médaillon, Barbara ?» Le visage de la jeune fille avait rougi de douleur, son cœur palpitait avec force. « J'aime à posséder un souvenir des amis auxquels je tiens, » murmura-t-elle. « Rien de plus, Archibald. » Il ne s'aperçut ni de l'émotion ni de la profondeur du sentiment qui avait dicté la demande. Il s'en moqua doucement par une plaisanterie de bon aloi. « Quel malheur que vous ne m'ayez pas dit cela hier, Barbara. Je me suis fait couper les cheveux et j'aurais pu vous envoyer les rognures. Ne faites pas la sotte, mon enfant, et n'allez pas m'ériger en Wellington qui fasse largesse de mèches de cheveux et d'autographes. Je ne puis pas rester un moment de plus. Bonsoir. » Il se hâta de s'éloigner en de grandes enjambées et Barbara se couvrit la figure de ses deux mains. « Qu'ai-je fait ? Qu'ai-je fait ? » s'écria-t-elle à haute voix. « Est-ce dans sa nature d'être ainsi froid, indifférent et positif ? Est-il dépourvu de toute sensibilité ? Non, non, je ne puis le croire. Oh, béni soit cette nuit. » Il y avait dans sa voix, surtout quand il parle de la femme qu'il avait choisie, un accent de vérité qui perçait même au travers de sa raillerie. « Je n'ai pas allé bien loin pour deviner le nom de cette femme. Il ne fait attention à personne qu'à moi. Archibald, mon bien-aimé, une fois que je serai ta compagne, tu sauras combien je t'aime tendrement. Ce n'est qu'alors que tu pourras le savoir. » Elle releva sa belle jeune tête, magnifique dans son enthousiasme, et contempla un instant le clair de lune qui s'obscurcissait peu à peu. Puis elle se retourna et poursuivit son chemin, se promenant dans le jardin, sans avoir conscience que quelque chose portant chapeau passait la tête au travers des touffes de verdure, comme pour épier ses moindres démarches. Barbara en aurait dit moins long, s'il avait pu deviner qu'un tiers assistait à l'entrevue. Un matin, deux ou trois jours après le départ de Carlyle, Mademoiselle Cornélie était absorbée dans la contemplation de nouveaux rideaux de mousseline que l'on venait de poser dans sa maison, lorsque Dill apparut devant elle, porteur d'une lettre. « Mademoiselle, » fit ce dernier, « voici une lettre que le facteur vient de laisser à nos bureaux. Elle est de M. Archibald. »« Que peut-il avoir à m'écrire ?» demanda Cornélie. Elle prit le billet, l'ouvrit, il jeta un coup d'œil rapide et s'affaissa sur une chaise, plus accablée, plus stupéfiée qu'elle ne l'avait été de sa vie. Castle Marling, 1er mai. Ma chère Cornélie, mon mariage avec Lady Isabelle a eu lieu ce matin et je me hâte de vous en donner connaissance. Je vous écrirai plus amplement demain ou le jour suivant et je vous expliquerai tout. Toujours votre affectionné frère, Archibald Carlyle. Est-ce une mystification ? Tels furent les premiers sons gutturaux qui s'échappèrent de la poitrine de Mademoiselle Carlyle, dès qu'elle se sentit la force d'articuler une parole. Dill se tenait debout, immobile et raide comme une statue de pierre. « Est-ce une mystification ou non ? » reprit en rugissant Mademoiselle Cornélie. « Pourquoi vous tenez-vous là, comme un oiseau sur une patte ? » continua-t-elle en déversant sa colère sur l'inoffensif maître Claire. « Est-ce une mystification, oui ou non ? » Ma surprise égale la vôtre, mademoiselle. Ce n'est point une mystification, j'en ai reçu moi-même connaissance par une autre lettre. C'est impossible. Cela ne peut pas être sérieux. il y a 3 jours, quand il a quitté la maison, il n'y avait pas plus idée de se marier que moi. Qu'en savons-nous, mademoiselle Cornélie? Et qui dit qu'il ne partait pas dans le seul but de se marier? Pour moi, c'est mon opinion. Lui, se marier, hurla mademoiselle Carlyle, en proie à la plus vive excitation. Il n'est pas si sûr que d'aller épouser cet enfant grande dame. Non, non. Mais il a envoyé ceci pour être inséré dans les journaux de la localité, ajouta Dill en tendant un morceau de papier. Ils sont mariés, c'est un fait avéré. Elle saisit le papier et le tint un moment devant elle. Sa main était froide comme glace et frappée comme de paralysie. Marié le premier courant à Castle Marling par le chapelain du comte de Mount Severn, Archibald Carlyle d'Eastline, avec Lady Isabel Vane, fille unique de William, feu comte de Mount Severn. Mademoiselle Carlyle déchira cette annonce en 1000 morceaux et la jeta au vent. « Je ne lui pardonnerai jamais !» s'écria-t-elle énergiquement. « Et quant à elle, je ne la verrai de ma vie !» Quel idiot dénué de sens, aller épouser une fille aussi dépensière, une fille qui va à la cour en marabout et avec une queue traînant 3 pieds derrière elle. Mon patron n'est pas un idiot, mademoiselle Cornélie. Bien pire, c'est un misérable fou, grinça-t-elle avec rage et en versant des pleurs. Il faut qu'il ait été subitement frappé de folie pour s'être embarqué dans une telle entreprise. Si j'avais eu vent de ce projet, je me serais fait délivrer un certificat d'aliénation contre lui. « Oui, vous avez beau me regarder d'un air effaré, vieux Dill, je l'aurais fait. Aussi vrai que j'espère voir mes péchés pardonnés, où vont-ils habiter ?»« Je crois qu'ils habiteront Eastline. »« Quoi ? Habiter Eastline avec les Carews ? Mais vous n'y pensez pas, vous êtes donc fou, vous aussi. »« La négociation avec Carews est rompue, mademoiselle. Quand M. Archibald est revenu de Castle Marling, à Pâques, il leur a écrit pour se désister. » Mademoiselle Cornélie se leva subitement de son siège et se dressant dans toute la plénitude et la majesté de sa taille. Elle s'avança derrière le maître-clé tout abasourdi, saisit de ses 2 mains le collet de son habit et le secoua rudement pendant quelques minutes. Le pauvre vieux Dill court et fluet, était comme une poupée dans les mains de l'assaillante, et il pensa que son dernier soupir était venu. « Et j'aurai aussi un certificat d'aliénation contre vous, malin drôle !» vociféra la grande femme. Vous êtes du complot, vous l'avez aidé, encouragé, vous étiez au courant de tout ce qu'il a fait. Je le déclare solennellement devant le Dieu qui m'a créé, cela n'est pas. » bégaya la malheureuse victime. « Je suis innocent, comme l'enfant qui vient de naître. Lorsque j'ai reçu la lettre tout à l'heure, vous auriez pu me renverser avec une plume. » Qu'a-t-il été faire, une fille qui n'a rien et qui ne songe qu'à dépenser? Et comment avez-vous osé participer au refus d'Eastline qu'il a fait aux Carews? « Vous l'avez encouragé ?»« Je n'en ai eu connaissance que lorsque tout était terminé, » fit doucement le fidèle employé. « Monsieur Archibald peut fort bien imiter Eastline lui-même. Ses moyens le lui permettent, vous le savez, mademoiselle. Quant à la femme dont il a fait choix, c'est une créature douce, charmante et adorable, toute grande dame qu'elle soit. »« L'idiot, l'idiot !» réitéra mademoiselle Carlyle de plus en plus exaspérée. « Il faut que je retourne à l'étude. » murmura le vieux Dill, comme pour mettre fin à la conférence. « Et permettez-moi, avant de partir, de vous témoigner tous mes regrets. Je suis véritablement peiné que vous ayez vu dans tout ceci une occasion pour tomber sur moi. Et je recommencerai aujourd'hui même, si je vous retrouve sur mon chemin, » s'empressa de répondre mademoiselle Carlyle. Dès qu'elle fut seule, elle s'assit et son visage prit un regard fixe comme l'immobilité de la pierre. Ses mains tombèrent sur ses genoux, et la lettre de Carlyle glissa sur le plancher. Tout à coup, elle se leva, mit son chapeau et son châle et se dirigea vers la maison du juge Hare. Elle pensait que les nouvelles qui se répandraient de Westline avant la fin du jour jetteraient de la déconsidération sur elle-même. Son frère, qu'elle avait tant aimé, venait pour ainsi dire de la mettre de côté, en choisissant une autre compagne qui lui fût et plus proche et plus chère, et il l'avait fait sans la consulter et à la sourdine. C'est pourquoi elle tenait la première à le crier partout, bien haut et bien fort. Lorsqu'elle arriva devant la maison du juge, Barbara se tenait à la fenêtre du salon. En dépit de la douleur intime qu'éprouvait mademoiselle Carlyle, un sourire de satisfaction malicieuse erra sur ses lèvres, à la pensée du coup terrible qu'elle allait porter au cœur de la jeune fille. Elle avait clairement deviné son amour pour son frère et l'espoir qu'elle nourrissait de devenir sa femme. « Comment cela va-t-il ? fit Barbara en se penchant dehors du balcon. « Le croiriez-vous ? Ma mère est sortie. Mon père a mis à profit ce beau soleil pour la conduire en voiture à Lynebourg. Entrez donc, la porte est ouverte. » Mademoiselle Carlyle entra sans répondre et, s'asseyant sur la première chaise venue, elle fit entendre quelques grognements inarticulés en manière de préliminaire. Barbara se tourna rapidement vers elle. « Êtes-vous malade ? Pourquoi êtes-vous ainsi bouleversée ?»« Bouleversée ? Ah oui, je le suis !» grinça la dame avec furie. « J'en ai l'esprit tout hébété, le cœur saignant. Un grand malheur est survenu. Archibald ?»« Archibald, dites-vous ? Oh, que lui est-il arrivé ? Il a commis une grosse sottise !» poursuivit Cornelia avec aigreur. « La nouvelle est tombée sur moi ce matin comme un coup de foudre. C'est le vieux Dill qui me l'a porté. Je l'ai secoué pour sa peine. » « Secouer le vieux Dill ?» répéta Barbara stupéfaite. « Secouer à m'en faire mal au bras. Il ne l'oubliera pas de sitôt. Il a encouragé mon frère dans sa honteuse conduite. Il m'a caché des choses qu'il aurait dû me révéler et je ne répondrai pas qu'il n'ait comploté à eux deux. » Barbara s'assit tout étonnée, ne sachant pas le moins du monde où Cornélie en voulait venir. « Vous vous rappelez cet enfant, la fille de Mansevern ?»« Eh bien, Archibald vient de l'épouser. » En dépit de la conscience qu'avait Barbara de se trouver sous le regard pénétrant de Mademoiselle Carlyle, en dépit de ses propres efforts pour cacher l'émotion qu'elle ressentait si péniblement, chaque trait de son visage devint d'une effrayante pâleur. Mais à l'exemple de Mademoiselle Carlyle, elle se réfugia tout d'abord dans l'incrédulité. « Ce n'est pas possible, Cornélie. C'est la vérité. Le chapelain de Lord Mansevern a lui-même accompli hier la cérémonie du mariage à Castle Marling. » « Veuillez m'excuser un moment, » balbutia Barbara. « J'ai oublié de donner un ordre dont m'a chargé ma mère pour les domestiques. »« Un ordre pour les domestiques ? Ah oui, lecteur, vous comprenez, n'est-ce pas ?» Elle monta lestement à sa chambre et se laissa tomber sur le plancher en proie à une angoisse inexprimable. Le passé s'était dégagé de ses brouillards. Les nuages qui étaient devant les yeux de Barbara s'étaient dissipés. Elle comprenait maintenant qu'elle avait caressé de fausses et trompeuses espérances dans son idolâtrie pour Archibald Carlyle. Elle sentait à cette heure qu'elle n'avait jamais été rien pour lui. La nuit précédente, elle avait encore passé les premières heures éveillée, se laissant bercer par les rêves de la plus douce fantaisie. Et c'était la nuit même de ses fiançailles. Avec un cri de désespoir, Barbara se tourdit les mains et ferma ses paupières endolories. Elle éprouvait comme si les rayons du soleil disparaissaient à tout jamais de son existence. Le cri qu'elle avait poussé avait été plus fort qu'elle ne l'aurait voulu, et une servante qui se trouvait à côté entra doucement et regarda dans la chambre. Barbara gisait là, sur le sol. Il n'y avait pas à s'y méprendre. Elle souffrait d'une cruelle angoisse, non pas de corps, mais de cœur. La servante jura que c'était un moment inopportun pour se présenter, et sans bruit elle referma la porte. Le son du pêne pénétrant dans la gage fit sortir Barbara de son engourdissement et la rappela à la réalité. À la nécessité de surmonter, en apparence, sa douleur, au moins quant à présent. Elle se releva, but un verre d'eau, lissa machinalement ses cheveux et se contraignit à mettre du calme dans sa contenance. « Marie à une autre, Marie à une autre !» murmura-t-elle en descendant l'escalier. « Et cette autre, c'est elle. Oh, courage, oh, dissimulation, venez au moins à mon aide, devant sa sœur qui voit tout. » Grâce à une volonté énergique, elle était parvenue à donner à son visage un air radieux, et quand elle entra de nouveau dans le salon, elle avait un sourire sur les lèvres. Mademoiselle Carlyle reprit sans tarder, comme pour compenser le silence qui lui avait été imposé pendant quelques minutes. « Aussi sûr que nous sommes ici toutes deux en présence l'une de l'autre, j'aurais essayé d'obtenir un certificat d'aliénation mentale contre lui si j'avais su tout cela. C'est une union mal assortie, » fit Barbara. C'est aussi bien la sortie que la belle et la bête de nos contes d'enfants. Elle, une beauté de haute naissance, habituée à mener la vie à grande guide, à gaspiller l'argent en bijoux, en fêtes, en apparat, et lui, un lourdeau, un ours, une bête, enfin, comme dans le conte. Si Barbara s'était sentie moins malheureuse, elle aurait ri à gorge déployée. J'ai pris une résolution, continua Cornélie. Je vais à East Lynne demain, et je donne congé à ces muguets de domestiques. J'étais là samedi, il y avait trois de ces demoiselles faisant la roue en robe de belle mousseline de laine, et les hommes, en jaquette panachée, jouaient au ballet de pied. Que n'ai-je su alors que ces domestiques n'étaient pas engagés par les Carouses, mais par Archibald ? Barbara ne disait rien. J'irai, je renverrai la bande, et je m'installerai moi-même à Eastline, et je louerai ma propre maison toute meublée. Avec les habitudes extravagantes de notre princesse, nos dépenses seront trop élevées pour nous permettre de garder deux maisons. Mais pensez-vous que ceci lui convienne ? Il faudra bien que cela lui convienne, répliqua Mademoiselle Carlyle. Et maintenant que je vous ai dit la nouvelle, Barbara, je retourne chez moi. J'aurais préféré, voyez-vous, être venu vous annoncer qu'on l'avait mis dans le cercueil. Êtes-vous sûre de n'être point jalouse ? Demanda Barbara, un mobile indéfinissable la poussant à cette question. Peut-être le suis-je, répliqua Cornélie avec rudesse. Peut-être que si vous aviez élevé un enfant comme j'ai élevé Archibald, et que de près ou de loin, vous n'ayez rien aimé autre chose dans le monde, seriez-vous jalouse aussi, en découvrant qu'il n'a plus pour vous qu'une froide indifférence, et qu'il a accroché une jeune femme sur son cœur pour qu'elle soit, en un instant, plus à ses yeux que vous n'avez jamais été pour lui dans toute votre vie.